L'entretien du porte-parole du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, les menaces et chantages nucléaires croissants des États-Unis banditistes déclencheront les ripostes de représailles nucléaires justes et impitoyables, a été rapporté le 20 courant par l'agence de presse TASS, les journaux Moskovsky Komsomolets, Buzigliad et Vladivostok, les agences de presse d'Internet Korrespondent et Rebecca de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, l'agence de presse Focus et les journaux News.bg et Blitz de Bulgarie et l'agence de presse japonaise Gyodo.